نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد نواصل ما كنا توقفنا عنده في درس البارحة والمتعلق بالتعليق على منظومة السير إلى الله والدار الآخرة للإمام أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وقبل أن أواصل ما كنت قد توقفت عنده أود أن أزف بشرى لإخواني في لقائهم هذا واجتماعهم على طاعة ربهم جل وعلا وعلى ذكره تبارك وتعالى أن ممن حولكم من تؤثر فيه هذه المظاهر الإسلامية وهذا الإقبال على الله تبارك وتعالى ويؤثر فيه مثل هذا رجل فرنسي رأى إقبالكم واجتماعكم فأثر فيه هذا الأمر فسأل عن السبب فأعطاه أحد إخوانكم هذه الورقة التي كتبنا عليها هذه المنظومة مترجمة باللغة الفرنسية يقول قرأت البيتين الأولين منهما فاقشعر جلدي لما قرأت من هذه المعاني فرغب أن يتعرف على المزيد ورغب في هذا الدين وجاءني قبل أن آتيكم وأسلم بحمد الله تبارك وتعالى وقوته نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه على دين الحق على دين الإسلام وأن يختم لنا بالصالحات من الأعمال ثم نعود إلى ما كنا قد توقفنا عنده من هذه المنازل في هذا السير الذي جمع شيئا منه الإمام السعدي في هذه المنظومة القليلة أبياتها العظيمة معانيها. وكنا قد توقفنا عند قوله: وهم الذين بنوا منازل سيرهم بين الرجا والخوف للرحمن، وهم الذين ملى الإله قلوبهم بوداده ومحبة الرحمن. وأظن أننا ايه اللي بعدها اللي بعدها وهم الذين أحسن. أحسن. نعم تذكرت هذا. بل توقفنا في البيتين اللذين بعد هذين البيتين، وهو قوله: فعل الفرائض والنوافل دأبهم مع رؤية التقصير والنقصان. وذكرنا بقول الله تبارك وتعالى في هذا الشأن وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما سألت عن قول الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته أخبرها أنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل الله منهم. وكذلك سلف هذه الأمة، هذا بالنسبة للصحابة، وكذلك من جاء بعدهم من سلف هذه الأمة الكرام، حتى أنه كان يؤثر عن الكثير منهم أنه يرى ذنبه في عمل من أعماله أو فيما قد يقع له، يرى أن هذا بسبب ذنبه، وهذا معنى النقصان الذي ينبغي على كل مسلم أن يجده في قلبه حتى لا يغتر بأي شيء من عمله، حتى لا يغتر بأي شيء من عمله. الواجب علينا أن نلاحظ ما نتركه في جنب الله جل وعلا، لا ما نفعله في سبيل الله تبارك وتعالى، لأنك تتعامل مع رب رؤوف رحيم، مع رب عادل جل في علاه. ولهذا مما يؤثر في هذا الباب ما رواه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن أو ما ذكره شيخ الإسلام عن أبي عثمان النيسابوري عليه رحمة الله، قال: خرج يوم الجمعة مبكرا، وفي أثناء الطريق، أي في أثناء طريقه إلى المسجد، عثرت قدمه فانقطع شسع نعله. فقال رحمة الله تبارك وتعالى عليه: أعلم من أين أتيت، يعني من أين وقع لي هذا؟ قال: أني تركت غسل الجمعة، أي ترك فعلا من الأفعال، وهو عند الجمهور من نوافل الأفعال، والصالحون دأبهم فعل الفرائض والمستحبات، ترك نافلة من النوافل، عثر في طريقه وتمزق شسع نعله الذي يربطها، فقال: هذا بسبب هذا الترك. وهذا من المراقبة التي ينبغي على المسلم أن يديمها أو أن يديم مراقبة أعماله في سيره إلى ربه تبارك وتعالى، وهذا يجعله دائما وأبدا منيبا مستغفرا مجتهدا في الطاعات كلها، بخلاف الذي يترك هذا ويشتغل بعد حسناته وتعظيمها، وربما يظن أنه جاوز القنطرة بسببها، يغتر بهذه الأعمال ويصيبه العجب حتى يخسرها كلها. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الشيخ va donc, حفظه الله, poursuivre le commentaire de ces vers de poésie dont l'auteur est le Cheikh, le grand savant Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mais avant de commencer le commentaire, il vous fait part d'une très bonne nouvelle qui n'est autre que la conversion d'un homme, un homme français, que le Cheikh a rencontré. Cet homme a été affecté par la présence d'un grand nombre de fidèles à cet endroit. Il s'est interrogé sur la cause de la venue de toutes ces personnes et de tous ces visages. Quand il a interrogé un musulman, un frère, le frère lui a dit « Ils sont là pour se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala et pour étudier ce poème que voici. » Il lui a offert le poème. Cet homme est rentré chez lui et s'est mis à le lire. Et seulement après avoir lu les deux premiers vers, l'homme qui lit décrit et dit « Ma peau a frémi ». Ceci l'a affecté en bien. Le lendemain, il est revenu voir le cheikh et il a embrassé l'islam et a adhéré à la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceci montre qu'il y a autour de vous des gens qui sont touchés par ces aspects, le fait de se réunir dans le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La veille, nous nous sommes arrêtés sur les vers en relation avec ce que doit éprouver le croyant comme sentiment, le fait qu'il doit constamment avoir à l'esprit qu'il est fauteur et qu'il est sujet au manque, et que quoi qu'il fasse, il aura toujours des imperfections dans l'adoration. Nous avons d'ailleurs cité, le cheikh dit, il a cité le hadith relaté par Aïcha radiallahu ta'ala anha, dans lequel elle interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du sens d'un verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne qu'il y a des gens qui donnent ce qu'ils donnent apeurés à l'idée de rencontrer Allah. S'agit-il de ceux qui forniquent, qui consomment l'alcool ou qui volent? Le prophète alayhi salatu wa salam lui répondit non, il s'agit de gens qui prient, qui jeûnent et qui donnent des aumônes, mais ils craignent que leurs actes leur soient refusés. C'est ainsi que sont les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, mais aussi les pieux prédécesseurs, ceux qui les suivirent dans cette voie. L'un d'entre eux, qui était touché par une quelconque épreuve ou qui rencontrait une difficulté, se disait que ceci est le résultat d'un péché qu'il a commis. Il est d'ailleurs rapporté, comme le relate l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, selon le grand savant Uthman al-Naysaburi, rahimahullah ta'ala, Ibn Taymiyyah nous raconte qu'un jour, ce grand homme est sorti de chez lui en direction de la prière le jour du vendredi. Puis, il a glissé et la sangle de sa sandale s'est déchirée. Il a réfléchi et a dit aussitôt, « Ceci m'est arrivé car je n'ai pas effectué le bain du vendredi. » Alors qu'à la base, le bain du vendredi, chez la majorité des savants, est un acte recommandé. On nous a encouragés à le faire, mais ce n'est pas une obligation pour la majorité des savants. Le simple fait d'avoir délaissé ce bain lui a fait dire que c'est la raison de ce qu'il a touché, comme la déchirure de sa sandale. C'est ainsi que sont les gens pieux et vertueux. Ils ont pour habitude d'obéir à Allah tabaraka wa ta'ala en accomplissant les obligations mais aussi les actions surérogatoires. Et ceci fait partie du sentiment qu'éprouve le musulman qu'Allah subhanahu wa ta'ala le surveille. Il doit éprouver ce sentiment afin de ne pas être impur de sa personne, de ne pas être trompé. Et c'est cela qui le poussera à implorer sans cesse le pardon d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à revenir repentant à lui, contrairement à tous ces gens qui sont trompés par leurs actions. Ils pensent qu'ils ont les actions nécessaires à traverser le pont le jour dernier, et que pour eux, l'affaire est jouée ou gagnée, alors que ceci en réalité est un mal pour eux. Car quand ils agissent ainsi, ils sont trompés par leur personne, ils ne voient plus leur manquement. Mais ce qu'il faut plutôt aux croyants et aux musulmans, c'est de ne pas regarder les belles actions, les bonnes actions qu'il fait, mais plutôt les manquements qu'il a envers Allah subhanahu wa ta'ala. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومته في السير إلى الله والدار الآخرة صبر النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان شكروا الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. ثم بعد هذه المنزلة ينتقل الإمام السعدي عليه رحمة الله في هذه الأبيات إلى بيان المنازل الثلاث التي كما قال فيها ابن القيم عليه رحمة الله أن مدار السعادة عليها مدار سعادة الخلق على هذه الثلاث أنه إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر أنه إذا ابتلي صبر وإذا أعطي شكر وإذا أذنب استغفر وإذا أذنب استغفر هذه الثلاث التي عليها مدار سعادة البشر وذكر منزلة الرضا بعد المنزلتين المتعلقتين بالثلاثة التي هي مدار السعادة عليها وقد سبق بيان هذه المرتبة وأن الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى هم الذين دائما وأبدا يراقبون الله عز وجل في أعمالهم كلها المراقبة التي تستلزم هذا الأمر تستلزم الاستغفار والإنابة إليه عند حدوث الذنب فقوله عليه رحمة الله صبروا النفوس على المكاره كلها على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان منزلة الصبر الصبر الذي حقيقته في اللغة حبس النفس حقيقته في اللغة حبس النفس وفي الشرع هو حبس النفس على حكم الله هو حبس النفس على حكم الله وأحكام الله تبارك وتعالى على نوعين في هذا الباب أحكامه القدرية وأحكامه الشرعية. أحكامه القدرية ما يبتلي به الخلق من أنواع المصائب والمحن، هذه المكاره التي نبتلى بها، يبتلى الإنسان في نفسه، يبتلى في ماله، يبتلى في ولده، يبتلى في نفسه بأنواع الأسقام والأوجاع، وهذا حكم قدري، هذا قدر الله تبارك وتعالى فيه. فالواجب عليه أن يحبس نفسه لهذا الحكم القدري، بمعنى لا يجزع ولا يتسخط لأجل هذا الأمر، يقابل هذا دائما وأبدا بالصبر، وأحسن منه بالصبر والاحتساب عند الله تبارك وتعالى. وإذا صبر العبد لأجل هذا فإن الله تبارك وتعالى يعطيه أمرين عظيمين، يعوضه بصبره خيرا في الدنيا والآخرة، ويجازيه على صبره الجزاء الأوفر. ولهذا قال الله تبارك وتعالى يوم يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله عز وجل ما من عمل إلا وجعل له أجرا معلومة وثوابا معدودة. الذي يصلي في الجماعة كما جاء في الصحيح صلاة الجماعة تفوق صلاة الفرد ب27 درجة. الذي يصلي في المسجد الحرام صلاته فيه ب100,000 صلاة. الذي يصلي في المسجد النبوي صلاته ب1,000 صلاة. الذي يصلي في المسجد الأقصى صلاته ب50,000 صلاة أجرا وثوابا. الصبر وهو عبادة من أجل العبادات وقربة من أعظم القربات، لأن العبادات متفاوتة في فضلها وقدرها وعظيم أجرها. من العبادات عبادات قلبية، وهذه أرفع الأنواع وأفضلها. ومن العبادات القلبية المحبة، الخوف والرجاء، تلك المنازل التي سبقت في الأبيات السابقة. من هذه العبادات الصبر، التوكل، عبادات قلبية. من هذه الأنواع كذلك العبادات العملية، عبادات الجوارح كالصلاة التي هي أعظمها، ولهذا هي أول أركان الإسلام العملية. من العبادات عبادات مالية كالزكاة وأنواع الصدقات، وهي عبادة جليلة عند الله تبارك وتعالى. الصدقة برهان كما قال عليه الصلاة والسلام، وفيها من الأجر والثواب الشيء العظيم. صدقة السر تطفئ غضب الرب، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. من العبادات كذلك عبادات لسانية عبادات لسانية وهذا نوع من أنواع العبادات هذا نوع من أنواع العبادات تلاوة القرآن منه ذكر الله تبارك وتعالى كما مر معنا منه فهذه كلها أنواع العبادات فالنوع الأول من الصبر متعلق بالصبر على حكم الله القدري ما يبتلينا الله عز وجل به من أنواع الابتلاءات قد تصل حتى الموت والله جل وعلا سمى الموت مصيبة سمى الموت مصيبة وهي أعظم المصائب وما من مسلم يفجع في حبيب له مات كما كان أصحاب رسول الله فليتذكر مصابه برسول الله الصحابة بعد أن ابتلاهم الله جل وعلا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأوا في حياتهم قط مصيبة أعظم من هذه المصيبة L'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, dit, dans le sens rapproché, « Ils ont fait endurer leurs âmes face à toutes les choses détestables, par désir de ceux qui s'y trouvent comme bienfaisance. » Le Cheikh Lazhar, hafidhahullah ta'ala, nous dit que maintenant, l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, va nous montrer ces trois choses qui constituent l'indice montrant le bonheur de la personne et autour desquels le bonheur de la personne tourne. Elles ont été citées par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala notamment quand il nous explique que l'individu ne sera bien heureux que lorsqu'il va concrétiser ces trois choses qui sont la reconnaissance qu'il exprime à Allah devant les bienfaits par lesquels il le comble. Deuxièmement, l'endurance. Troisièmement, implorer le pardon d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est dans cela que réside le véritable bonheur, la joie et la félicité de l'homme. Aussi, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, ou l'imam Sa'di, pardon, rahimahullah, a cité un degré qui est celui de la satisfaction. Le fait d'être satisfait. Également, nous avons déjà vu que les gens qui sont vertueux ont constamment le sentiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala les observe dans leurs actions. C'est la raison pour laquelle ils implorent Allah à chaque fois qu'ils commettent un péché. Concernant l'endurance ou la patience, dans le sens linguistique, du terme arabe « sabrun », il signifie « contenir son être », de se contenir. Et dans son sens religieux, la patience ou bien « sabr » signifie « contenir sa personne » et ne pas se révolter face au décret d'Allah ou au jugement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les jugements d'Allah sont de deux catégories. La première catégorie, les jugements relatifs aux décrets d'Allah, ce qui se passe dans la vie de l'homme. La deuxième catégorie, les jugements relatifs aux règles religieuses, aux prescriptions divines, aux injonctions d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant à la première catégorie, ce sont les règles, les jugements relatifs au destin ou aux décrets d'Allah. Comme les épreuves, les choses qui touchent l'homme, les choses qu'il déteste, mais qui le touchent, comme l'épreuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie à son serviteur, que ce soit dans sa personne, par des maladies, par des difficultés, ou alors dans les biens qu'il possède, et encore dans ses enfants et les gens de sa famille. Tout ceci relève du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman a l'obligation d'endurer, de contenir son âme, de ne pas s'opposer au décret d'Allah par l'endurance et la patience. Mais il y a bien meilleur que cela encore, c'est le cas où le serviteur qui est touché par quelque chose qu'il trouve détestable ou difficile, il doit faire face à cette chose par l'endurance et l'espoir en la récompense d'Allah s'il se montre endurant. Allah tabaraka wa ta'ala lui donnera alors, s'il agit ainsi, deux choses, deux biens, dans ce bas monde, mais aussi dans l'au-delà. Il lui accordera des biens dans ce bas monde, subhanahu wa ta'ala, mais dans l'au-delà, il lui donnera une rétribution sans pareil, une rétribution qui n'a pas de limite. Car il est connu dans la religion que les actions sont récompensées par Allah, tabaraka wa ta'ala, et pour la plupart d'elles, elles ont des récompenses qui sont connues, elles sont définies ou déterminées. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la prière que l'homme fait en groupe est 27 fois meilleure, ou elle est élevée en degré 27 fois plus que celle qu'il fait seul chez lui. Il nous dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, que la prière accomplie à la mosquée sacrée de la Mecque est meilleure ou équivaut à 100 000 prières ailleurs. Il nous dit aussi que la prière qui est accomplie dans sa mosquée à Médine équivaut à 1000 prières, tout comme il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la prière accomplie dans la grande mosquée de Jérusalem équivaut à 500 prières. Quant à l'adoration de la patience, la récompense n'est pas limitée. La récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala n'est pas limitée, car l'endurance ou la patience fait partie des actions qui rapprochent le plus d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les actions ne sont pas toutes au même pied d'égalité, elles sont différentes dans leur degré, dans les récompenses qui en découlent. Il y a les actes dits des actes du cœur. Et ce sont les meilleures actions, telles que l'amour d'Allah, tabaraka wa ta'ala, la crainte de son châtiment ou l'espoir en sa miséricorde, dont on a parlé dans les débuts de ces cours. Il y a aussi le fait de placer sa confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, et l'endurance. Il y a aussi l'endurance. Il y a aussi les actions faites avec les membres, telles que la prière, qui est d'ailleurs la meilleure action, le pilier le plus grand et le plus important de l'islam après le témoignage de foi. Ou c'est, pardon, la meilleure action accomplie avec les membres. Il y a aussi le fait de s'acquitter de l'aumône. Cette aumône au sujet de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens du hadith, l'aumône est une preuve. Il s'y trouve où il en découle une énorme récompense. Dans un hadith, par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam dit « L'aumône donnée en secret éteint la colère du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. » Il y a encore les adorations qui sont faites avec la langue, les paroles qui sont prononcées telles que la lecture du Coran, l'évocation d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La patience fait partie des actes du cœur et le croyant doit se montrer endurant devant les jugements relatifs aux décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont ces épreuves telles que la mort par exemple, cette mort qui a été appelée d'ailleurs par Allah dans le Coran musiba, malheur. C'est un malheur sans le moindre doute, et le plus grand malheur qui ait frappé cette communauté n'est autre que la mort de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, celui qui est éprouvé et qui est touché par une difficulté ou un malheur doit constamment se rappeler à l'esprit le malheur qui a frappé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour diminuer ou pour apaiser la difficulté qu'il ressent. قبض روح عبد من عباده يرسل ملائكته فيقول لملائكته ماذا فعل عبدي العبد الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى في فقد ولده في مصيبة موت ولده يقول الله عز وجل لملائكته قبضتم روح ولد عبد فلان يقولون نعم يا ربنا قبضتم فلدة كبده نعم يا ربنا فيقول الله تبارك وتعالى ما صنع عبدي فيقولون حمدك واسترجع يعني هذا صبر على هذه المصيبة ليس هذا فحسب بل صبر ورضي بحكم الله تبارك وتعالى وهذه الدرجة الثانية والمنزلة التي تلي منزلة الصبر فوق منزلة الصبر منزلة الرضا لأن الصبر مجرد حبس النفس مجرد حبس النفس المؤمن كيف يعرف من نفسه أنه صابر على حكم ربه تبارك وتعالى من خلال هذا الأمر إذا رأى من نفسه أنه ما تصرف تصرفا يغضب ربه تبارك وتعالى ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عما يفعله أهل الجاهلية في مثل هذه الأحوال نهى عن لطم الخدود وشق الجيوب وعن النياحة وقال أن هذه من أمر الجاهلية من أمر الجاهلية الأولى لما؟ لأنها تتنافى مع الإيمان المؤمن صابر لما؟ لأنه يعلم علم اليقين أن هذا قضاء الله وقدره وليس لمخلوق كائنا من كان أن يغير هذا القدر أن يغير هذا القدر لا في تأخير موت أو رفعه عنه أو عمن شاء من الخلق الناس كلهم يصيبهم قدر الله هذا يصيب الكبير والصغير يصيب العظيم والحقير يصيب الملك والمملوك يصيب حتى الأنبياء يصيب حتى الأنبياء الله تبارك وتعالى جعله حكما قدريا ماضيا في الخلق جميعا فلا يواجه هذا إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى أول المنزلة أنه يحبس نفسه عما يسخطه لا يكفر لا يسخط كما يفعل أهل الجاهلية أبدا حتى هذه النياحة البكاء قد يقول قائل كيف تقول هذا ونبينا عليه الصلاة والسلام قد بكى لما مات ولده إبراهيم كيف تقول هذا وأصحابه رضي الله تعالى عنهم قد بكوا عند موت أحبابهم بكوا عند موت ولدهم بكوا عند موت نبيهم عليه الصلاة والسلام أبو بكر عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في منزله البعيد عن المسجد النبوي وجاء إلى بيت ابنته عائشة رضي الله تعالى عنها والنبي مسجى في غرفتها فبكى رضي الله تعالى عنه وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أطيبك حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. الصحابة بكوا عند فقدان الأحباب، بكى نبينا وقال عند ذاك إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا الذي يفعله المؤمن، وهذا لا يتنافى مع الصبر، هذا لا يتنافى مع الصبر. أما رفع الصوت بالبكاء وهذه هي النياحة، هذا فعل محرم، فعل قبيح، لا يفعله المسلم، لا يفعله المسلم. فكيف بحال المسلمين اليوم وقد أصبحوا يتباهون بالنياحة؟ تعلمون أن النياحة عند بعض المجتمعات من الدين الذي ينبغي أن يقضى؟ دين النياحة، يعني لما يموت ميت لفلان يجيوا النساء وينوحون عنده، يقولوا عندنا يندبوا ينوحون عنده. وهذه العائلة إذا مات ميتهم لا بد أن يرجع لهم هذا الدين، يعني يزيدوا يروحوا لميتهم وينوحون كما ناحوا على ميتهم عياذا بالله تبارك وتعالى. وهو من أمر الجاهلية. فالصبر منزلة من أعظم منازل المؤمنين الموحدين لله تبارك وتعالى. هذه المنزلة التي ذكرنا ما جاء في فضلها من قول ربنا تبارك وتعالى، ولهذا قال الشيخ فيها صبروا النفوس على المكاره كلها شوقا إلى ما فيه من إحسان، يعني إلى هذا المقصود بالإحسان إحسان الله تبارك وتعالى بعظيم العطاء وجزيل الجزاء الذي يوفيه الله تبارك وتعالى لأصحاب هذه المنزلة. ثم بعد هذه المنزلة منزلة فوقها، toujours dans le domaine de la patience, nous avons vu dans un hadith qui est authentique qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il décide de reprendre l'âme d'un de ses serviteurs et donc de lui donner la mort, un serviteur à qui Allah azza wa jal veut reprendre l'âme, Allah subhanahu wa ta'ala reprend l'âme d'un de ses serviteurs et envoie ses anges. Puis il interroge ses anges sur la façon d'agir du serviteur qui a été éprouvé par la perte d'un proche, en leur disant, selon le sens rapproché, comment a réagi mon serviteur? C'est alors que les anges lui répondent, il t'a loué et a déclaré qu'à toi nous appartenons et que vers toi s'effectuera notre retour. C'est donc une patience dont ils ont fait preuve. C'est donc une patience. Et il y a au-dessus de la patience la satisfaction. Le fait d'être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Comment est-ce que le croyant peut-il savoir s'il est endurant ou non, s'il est patient ou non devant l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'il s'examine et qu'il voit sa façon de réagir devant l'épreuve d'Allah. s'il voit qu'il a une conduite qui provoque sur lui la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'a pas été endurant. C'est la raison pour laquelle des actions nous ont été interdites lorsque le malheur nous atteint. Il y a parmi ces actions ce que nous cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la perte d'un proche, le fait de se frapper les joues, le fait de déchirer les vêtements ou encore de se lamenter, d'élever sa voix avec des pleurs exagérés. Ceci fait partie des actions que les gens de l'époque anti-islamique avaient l'habitude de faire. Et c'est contraire à la foi et ce que la foi implique. Le croyant a la conviction inébranlable que ceci est le fruit du destin d'Allah, du décret d'Allah, de ce qu'il a choisi, et que personne parmi les créatures et les serviteurs d'Allah n'est capable de changer ce qu'Allah a choisi, a décrété. Subhanahu wa ta'ala. L'épreuve qui est celle de la mort a touché tout le monde et les touchera encore. Elle a touché le roi, elle a touché l'esclave, elle a touché même les prophètes et les messagers. Personne n'a été épargné de la mort. Ainsi, le croyant doit se montrer endurant, il doit contenir son âme et ne pas faire ce qui provoque sur lui la colère d'Allah, comme agissent les gens de l'époque anti-islamique. L'un d'entre nous pourrait dire, le prophète n'a-t-il pas pleuré, sallallahu alayhi wa sallam, lors de la perte de ses proches? Les compagnons n'ont-ils pas pleuré, radiyallahu anhum? Ils ont pleuré. D'ailleurs, Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhum, à la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est précipité vers la demeure de sa fille, Aisha, radiyallahu anha, qui était l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour s'apercevoir et constater le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit « Oh combien tu es bon, vivant et même après ta mort, ô messager d'Allah !» Le prophète, lui, il s'est mis à pleurer, radiyallahu anhu. Le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, a pleuré quand il a perdu son fils Ibrahim, mais il a dit « Certes, les larmes coulent des yeux, le cœur s'attriste, nous sommes attristés de nous séparer de toi, ô Ibrahim, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah, subhanahu wa ta'ala. Voici le juste milieu, le fait de patienter et d'endurer ce qu'Allah a décrété, et de ne pas dire ni faire ce qu'Allah, azza wa jal, n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. Les lamentations sont une chose détestée dans la religion d'Allah et interdite. Le fait d'élever par les pleurs sa voix, ceci est interdit. Il y a chez certaines personnes la conviction ou la croyance ou la coutume que les lamentations sont comme une dette. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un perd une personne de sa famille, des autres personnes se présentent autour de la dépouille du défunt et se mettent à se lamenter. Puis quand les gens qui se sont lamentés vont perdre quelqu'un dans leur famille, la première personne qui a perdu un proche pense que c'est une dette et qu'elle doit elle aussi à son tour venir se lamenter auprès de la dépouille du défunt. Ils disent que c'est comme une dette qu'il faut absolument rembourser. Et ceci contredit l'endurance et la patience. La patience fait partie des plus grands degrés atteints et qui doivent être atteints par les croyants. Quand l'imam Sa'di, rahimahullahu ta'ala, nous dit « Ils ont fait endurer leurs âmes face à toutes les choses détestables par désir de ce qui s'y trouve comme bienfaisance », c'est-à-dire chez Allah, subhanahu wa ta'ala, ils se montrent endurants parce qu'ils savent que chez Allah, il y aura une récompense sans pareil et sans limite. C'est pour cela qu'ils se montrent endurants. Ils acceptent ce qu'Allah a décrété et espèrent la récompense qu'Allah a promise, la bienfaisance qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promise aux patients et aux endurants. هي منزلة الرضا وهذا في قوله نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان السائرون إلى الله تبارك وتعالى والدار الآخرة بعد أن نزلوا في سيرهم منزلة الصبر على ما ذكرنا من بيانه وتعريفه وتعريف حده وأنه صبر على أحكام الله جل وعلا القدرية وصبر على أحكامه الشرعية والأحكام الشرعية محصورة في فعل المأمورات وترك المنهيات والصبر في الأولى أن تصبر على الطاعة لأن الطاعة تحتاج إلى صبر ومصابرة ولهذا قال الله عز وجل لنبيه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تصبر في العبادة تصبر على ما قد يكون بالنسبة إليك شاق فيها تصبر على الوقوف شدة البرد ولهذا سمى النبي عليه الصلاة والسلام هذا مما يرفع الله جل وعلا به الدرجات إلى عباده الوضوء عند الصبرات يعني في شدة البرد ويصبر ويتوضأ طاعة لله عز وجل يصبر على المحافظة على عبادات كلها يصبر في عبادة الصيام وعبادة الصيام صبر كلها صبر لله تبارك وتعالى يصبر على عبادة الصدقة عند إخراج ماله يصبر في عبادة الحج يصبر في عبادة الذكر والتعلم والتفقه في دين الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قال الله تبارك وتعالى وهذا هو النوع الثاني من الصبر يعني النوع الأول من النوع الثاني المتعلق بالصبر على الأحكام الشرعية الصبر على فعل المأمورات وصبر في ترك المنهيات الصبر في اجتناب المحارم في اجتناب ما حرم الله تبارك وتعالى وهذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة شاب في أوج شبابه وقوته والمغريات من حوله والفتن عن اليمين وعن الشمال والزواج ما فيه ورغم ذلك صابر لله تبارك وتعالى عن أن يقع في معصية ربه هذا الصبر عن المعصية وقس على ذلك من أنواع الصبر في هذا الباب وهي كثيرة وفيها مجاهدة ولهذا يتجلى ويظهر لنا أن الله تبارك وتعالى حكم عدل وأن الله عز وجل جواد كريم لما جعل هذا الجزاء العظيم لمن صبر ابتغاء مرضاته ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور يقول الله عز وجل والأمور ذات العزائم هذه لا يقدر عليها إلا الأقوياء إلا الأقوياء والأقوياء هنا الأقوياء بإيمانهم بقلوبهم لا الأقوياء بأبدانهم. فوق هذه المنزلة منزلة الرضا التي قال فيها الناظم نزلوا بمنزلة الرضا فهم بها قد أصبحوا في جنة وأمان. وقلنا أنها فوق الصدر يعني أعلى من الصدر. وحقيقة الرضا هو تلقي أحكام الله تبارك وتعالى. قال أهل العلم هو تلقي أحكام الله تبارك وتعالى بانشراح صدر وسرور نفس. في الصبر هو حبس النفس على أحكام الله القدرية أو الشرعية. الرضا هو ما يجده المؤمن السائر إلى الله تبارك وتعالى عند أحكام الله من هذا الانشراح في صدره وهذا السرور في قلبه. وقد يكون قد ابتلي بما يسوءه ولكن لما كان إيمانه بالله عظيم كان رضاه لحكم الله تبارك وتعالى كذلك ولهذا قال الناظم بمنزلة الرضا قال فهم بها في جنة وأمان. والجنة هي الحماية والوقاية. هم في جنة من ماذا؟ هم في جنة من سخط الله تبارك وتعالى في الدنيا ومن عقابه يوم القيامة. هم في جنة مما قد يبتلى به غيرهم، لأن من الناس من يبتليه الله جل وعلا بالمصيبة ثم التي هي في ظاهرها مصيبة ثم هي تنقلب في حقه نعمة تكون محنة في ظاهرها فتنقلب إلى منحة. بسبب ماذا؟ بسبب هذه المقامات وهذه المنازل التي وصلها هذا المبتلى. مصيبة تنقلب إلى نعمة. نعم إي والله. فمنزلة الرضا جنة من هذا القبيل. الله جل وعلا بسببها يقي أصحابها من هذه الأمور. جنة تامة كاملة في الدنيا وفي الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم سمى الصيام وش قال؟ جنة. وش قال في الحديث؟ خلي هذا صاحبي قال يا معشر الشباب اسمعني يا شاب يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فهمت هذا؟ يا معشر الشباب أولي جن من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه يا الله يا شباب أكملوا الحديث نظنيت ما فيش غض بصر فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وسمى فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وفي حديث آخر الصيام جنة أي وقاية يقي صاحبه من مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الشاب بالزواج ثم يأمره بالصيام في حال عجزه عن الزواج. إذا ما استطعت فصم، لأنك إذا صمت وقيت نفسك من شر الفتن فمن هذا الباب كانت منزلة الرضا جنة وكانت كذلك جنة وأمان أمان من عذاب الله تبارك وتعالى كذلك. ويصدق هذا حديث نبي الجنة عليه الصلاة والسلام: لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع على عبدي أبنين، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما يكونش خوف ومعه خوف آخر، وما يكونش أمان ومعه أمان آخر. بمعنى يشرح هذا في تمام الحديث فيقول: من خافني في الدنيا أمنته يوما. الذي يخاف الله في هذه الحياة، الذي يخاف ربه في هذه الدار، فإن الله جل وعلا الجواد الكريم يقابل خوفه هذا بأمانه يوم القيامة، يؤمنه يوم القيامة. من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ويوم القيامة سماه الله جل وعلا بيوم الفزع الأكبر، ما هوش خوف فقط، يوم الفزع الأكبر، بمعنى أن الناس جميعا يكونون فيه في فزع عظيم، في هول شديد، كما قال رب العزة والجلال: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في مثل هذا اليوم العصيب العظيم طائفة من الناس في مأمن يؤمنهم ربهم جل في علا. لما؟ لأنهم كانوا من أهل خوفه في الدنيا. ثم قال: ومن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة. لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. هؤلاء يأمنون مكر الله في الدنيا، آمنون في الدنيا، لا يخافون ربهم تبارك وتعالى. ولهذا تجد هذه الأصناف الذين ربما فيهم شيء من الإيمان ولكن هم أبعد الناس عن حقائق الإيمان، تجده غارق في البعد عن الله والمعاصي و و و، وإذا سئل أو ذكر يقول: ربك رؤوف رحيم. يعني كأن الله جل وعلا ما أمره ولا نهاه، ما أمره ولا نهاه، وهذا من الأمن من مكر الله جل وعلا. والله تبارك وتعالى قال لعباده على لسان نبيه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. نبئهم يا محمد وأنت المبلغ عن الله وأنت المعرف بالله أني أنا الغفور الرحيم. نعم، ربنا غفور رحيم، وسعت رحمته كل شيء، واسع الرحمة جل في علاه، ولكن مع هذا فعذابه أليم كذلك، وأن عذابي هو العذاب الأليم. حتى يعيش المؤمن بين الخوف والرجاء. فالأمان المقصود من قول الناظم عليه رحمة الله أن يكون هذا العبد الذي بلغ هذه المنزلة في سيره إلى الله تبارك وتعالى في مأمن من عذابه وعقابه. الإمام السعدي رحمه الله تعالى à citer ce degré qui est celui de la satisfaction, qui, comme nous l'avons dit, est au-dessus du degré de la patience ou de l'endurance. C'est bien plus encore. Il s'agit du fait que le serviteur qui est éprouvé est satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a décrété. Nous avons vu, concernant le degré de l'endurance, que l'endurance se fait devant deux choses. Les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala relatifs à ce qu'il décrète et les autres qui sont relatifs à ce qu'il prescrit ou ce qu'il légifère. Subhanahu wa ta'ala. Nous avons parlé des jugements du décret. Quant au jugement relatif à la législation ou à ce qu'il légifère, subhanahu wa ta'ala, il consiste à mettre en pratique les ordres et à délaisser les interdits. C'est-à-dire de patienter dans l'obéissance à Allah, d'endurer en obéissant à Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon le sens rapproché du verset, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi la certitude. C'est-à-dire, sois constant et endurant dans l'obéissance à ton Seigneur jusqu'à la mort. Ainsi, celui qui adore Allah tabaraka wa ta'ala doit se montrer endurant et être constant dans son obéissance. Il y a des obligations. Des ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala qui peuvent paraître quelque peu difficiles aux serviteurs. À titre d'exemple, accomplir ses ablutions alors qu'il fait froid. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre les mérites de celui qui agit ainsi, celui qui est endurant et qui, malgré le fait qu'il fait froid et que l'eau est froide, il endure, il fait ses ablutions. Mais il les fait aussi correctement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a également la patience et l'endurance dans l'adoration du jeûne. Aussi, l'adoration de l'aumône, al-sadaqa, l'adoration du pèlerinage, de l'évocation d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et l'apprentissage de la religion. Toutes ces choses demandent de l'endurance. Le serviteur a besoin d'endurance pour les mettre en pratique. Allah, azza wa jal, a enjoint à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de choisir les fréquentations. Il les a décrits comme étant ceux qui évoquent Allah. Dans le sens du verset rapproché, Allah dit à son prophète subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alayhi wa sallam et endure avec ceux qui évoquent leur Seigneur. Endure avec ceux qui évoquent leur Seigneur. Et c'est le deuxième degré de la patience. Il y a la patience devant les décrets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a la patience devant en accomplissant les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième degré de patience, c'est le fait de se montrer endurant dans l'abstinence. C'est-à-dire le fait de s'abstenir de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci demande et requiert l'endurance du serviteur en délaissant les péchés. Par exemple, le jeûne. Qui vit dans un environnement où règne le trouble, la tentation. Il est facilement enclin au péché. Il est facilement appelé et invité à désobéir à Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais la patience dont il fait preuve et la foi qu'il a fait qu'il s'abstient. Il ne désobéit pas à Allah. Il ne tombe pas dans le suivi de ses passions. Il ne va pas assouvir ses désirs. C'est pour cela que l'on voit la sagesse immense d'Allah et sa justice dans la rétribution sans limite qu'il va donner comme récompense à ceux qui font preuve d'endurance car ils se sont empêchés de faire quelque chose qu'ils avaient tant envie de faire et à laquelle leur âme les a tant poussés, mais pour Allah tabaraka wa ta'ala, ils se sont empêchés de désobéir. Et dans le sens rapproché du verset, Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que quiconque fait preuve d'endurance et de pardon, ceci fait partie des choses qui ont été encouragées par Allah tabaraka wa ta'ala. La réalité de la satisfaction, le fait d'être satisfait de l'épreuve d'Allah, c'est le fait de recevoir les règles d'Allah, les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala, les décrets divins d'Allah subhanahu wa ta'ala avec une poitrine épanouie. Le fait d'accepter tout ce qui vient d'Allah en éprouvant la joie du cœur. Il se peut que le croyant soit éprouvé par quelque chose qui lui est détestable et difficile. Mais il aime tellement Allah et son cœur est tellement habité par la foi qu'en réalité il est satisfait. Il aime ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété car il sait que son Seigneur est juste subhanahu wa ta'ala et sage. Et ceci montre la foi. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit « Ils se sont arrêtés à la demeure de la satisfaction. Ainsi, ils se sont retrouvés sous la protection et en sécurité. » La traduction « dans un paradis » est fausse. C'est la traduction de « Jannah ». Et le terme arabe c'est « Jannah ». « Jannah » veut dire « protection ». Ainsi, ils se sont retrouvés sous la protection et en sécurité. Ce qui est voulu par la protection, c'est plusieurs choses, parmi lesquelles la protection contre le châtiment d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car celui qui endure, quand il est éprouvé, quand il rencontre une difficulté, il fait preuve de patience, il est protégé de faire ce qui va à l'encontre des ordres d'Allah, et donc il est protégé du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est également protégé de la situation dans laquelle se trouvent la plupart des gens, qui lorsqu'ils sont éprouvés, se mettent à agir de façon mauvaise. Ils font des choses qui sont détestées par Allah, tabaraka wa ta'ala. En réalité, il se peut que l'épreuve par laquelle Allah, tabaraka wa ta'ala, touche son serviteur, devienne pour ce dernier un véritable bienfait. Le cheikh dit oui par Allah. Il se peut qu'en réalité, l'épreuve qui à la base est une chose qui apparaît difficile, deviennent pour le serviteur touché par cette épreuve quelque chose de magnifique, un bienfait pour lui. Pourquoi? Car celui qui est satisfait de ce qu'Allah décrète, subhanahu wa ta'ala, ne sentira plus aucun mal quand il est éprouvé par Allah. Il sera libéré, il se sentira dans la joie et dans la satisfaction. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de quelques adorations qu'il a décrites comme étant Junna, c'est-à-dire une protection. Par exemple, il nous parle du jeûne. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, le jeûne est un rempart, ou bien le jeûne est une protection. Il incite les jeunes à se marier. Il les interpelle et leur dit, sallallahu alayhi wa sallam, ô vous les jeunes, quiconque parmi vous en a la capacité physique et financière qu'il se marie. Cela est plus prompt pour la chasteté et pour baisser le regard, celui d'entre vous qui ne le peut pas, alors qu'il jeûne, car il y a dans le jeûne une protection. Tout comme il y a dans le jeûne une protection contre la désobéissance d'Allah, contre ce qui provoque la colère d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il y a dans la satisfaction des épreuves qui nous touchent par Allah, tabaraka wa ta'ala, une protection contre tout ce qui est mauvais. Et Allah tabaraka wa ta'ala mettra en sécurité justement, comme le dit l'imam al-Sa'di, le jour dernier, ceux qui sont satisfaits et qui se montrent endurants quand une épreuve les touche. Dans le hadith à thème divin, Allah subhanahu wa ta'ala jure qu'il n'unira jamais deux peurs ou deux sentiments de sécurité sur son serviteur. Puis il dit, si mon serviteur me crains dans ce bas monde, je le mets en sécurité le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection a été appelé par Allah tabaraka wa ta'ala le jour de l'effroi terrible, le jour de la terreur, le jour de la grande peur où les gens seront effrayés. Ce jour-là a été décrit par Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens rapproché du verset. Allah azza wa jal nous dit « Le jour où toute femme enceinte mettra bas ce qu'elle a dans son ventre. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais c'est le châtiment d'Allah qui est terrible. » Subhanahu wa ta'ala. Également, dans l'autre partie du récit, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Et celui qui se sent en sécurité de ma menace dans cette vie d'ici-bas, je lui ferai peur le jour de la résurrection. » Vous voyez que ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ils se sentent en sécurité. Ils se sentent en sécurité, c'est pourquoi on les trouve loin des ordres d'Allah. On les trouve loin d'Allah. Et quand l'un d'entre eux est conseillé, il répond « Allah est pardonneur et miséricordieux ». Certes, Allah l'est, mais en même temps, Allah subhanahu wa ta'ala est dur en châtiment. C'est pourquoi dans le sens rapproché du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Informe mes serviteurs que c'est moi le grand pardonneur et miséricordieux et que mon châtiment est le châtiment douloureux. » Ainsi, ceux qui sont satisfaits des épreuves d'Allah tabaraka wa ta'ala vont craindre Allah dans ce bas monde et seront protégés par Allah et sous la sécurité d'Allah le jour dernier. Ils seront, du fait qu'ils ont enduré et été satisfaits de ce qu'Allah azza wa jalla leur a donné comme épreuve, en sécurité le jour où ils rencontreront Allah subhanahu wa ta'ala. أخرى بعد منزلة الرضا من منازل السير إلى الله تبارك وتعالى التي يذكرها الناظم والمستفادة في الحقيقة من نصوص الكتاب والسنة منزلة عظيمة كما أسلفت هي واحدة من أركان سعادة العبد في هذه الحياة الدنيا ألا وهي منزلة الشكر التي قال فيها عليه رحمة الله شكر الذي أولى الخلائق فضله شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان الله تبارك وتعالى نعمه لا تحصى ولا تعد وقوله أولى الخلائق فضله أي هو الواهب لهذا الفضل للخلائق كلها كل الخلائق الله وحده لا شريك له هو المنعم عليهم مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم ولكن الفرق بينهم أن المؤمن يقابل فضل ربه بشكره يقابل فضل ربه بشكره وأن الكافر يقابل فضل ربه بكفره بكفر هذه النعم والله تبارك وتعالى ذكر فضائل هذه المنزلة في كتابه ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فجعل الناس في هذا على صنفين شاكر وكافر الشاكر يزيده الله من فضله والشاكر لله عز وجل كما أشار إلى هذا الناظم لا يكون بمجرد الثناء باللسان لأن حقيقة الشكر كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هو ظهور ثناء العبد على ربه في قلبه إقرار وفي لسانه اعترافا وفي جوارحه طلبا وتركا الثناء ثناء العبد على ربه هذا الثناء بالأمور الثلاث التي ذكر الناظم بقوله بالقلب والأقوال والأركان بمعنى أن الشكر يكون بالقلب واللسان والأعمال. باللسان بالقلب أن يعترف أن هذه نعمة من نعم الله عليه ويثني عليه ويشكره بقلبه، وباللسان أن يذكر هذا وأن يلهج لسانه ببيانه وذكره. ولهذا انظر إلى الهدي النبوي العظيم في باب الإحسان، وأن هذا الدين دين إحسان على الحقيقة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. الناس إذا أسدوا إليك بمعروف وأحسنوا إليك وقدموا لك شيئا من الأشياء ولم تشكرهم على ذلك، لم تشكرهم على ذلك، ما كنت شاكرا لله، ما كنت شاكرا لله. ولهذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن نشكر غيرنا، بل قال في هذا وأمر في هذا بالمكافأة على الفضل: من أسدى إليكم بمعروف فكافئوه حتى تعلموا أنكم كافأتموه، فإن لم تجدوا فادعوا له. إذا أعطاك أو قدم إليك أو أسدى إليك وما كان عندك ما تكافئ به وما تعطي، ادعو الله له. والدعاء إحسان وشكر، ادعو الله له. وأقل الدعاء أن تدعو له بالبركة: بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. هذا من الإحسان وهذا من الشكر الذي هو من شكر الله. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس، في هذا الباب. والشكر كذلك يكون باللسان كما ذكرنا، ويكون بالأعمال. ولهذا قال ابن القيم: وفي جوارحه طلبا وتركا، طلبا وتركا، لأن الأعمال في فعل المأمورات وترك المنهيات، وهي كلها طاعات لله تبارك وتعالى. ودليل هذا النوع من الشكر قول الله تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا، يعني يأمرهم بشكره بالأعمال. ثم يبين الله جل وعلا حقيقة أن القليل من عباده من يشكره على نعمه، وهذا من قبيل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والله أعلم. وبعد نأخذ فيل بوز كما تقولوا، وبعد المغرب نواصل إن شاء الله. تأذن لي الأخ صادق. L'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala nous dit: ils ont été reconnaissants par le cœur, les paroles et les membres du corps envers celui qui a accordé aux créatures de sa grâce. Il va nous parler maintenant d'un degré très élevé qui doit être atteint par ces gens dont parle l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala, qui n'est autre que le degré de la reconnaissance, qui fait partie de ces trois choses autour desquelles tourne ou dans lesquelles réside le bonheur de l'individu dans ce bas monde. Le fait de se montrer reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala devant ses bienfaits qu'il octroie à ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont nombreux. Et l'imam Sa'di rahimahullah nous dit envers celui qui a accordé aux créatures de sa grâce, subhanahu wa ta'ala. Celui qui a accordé aux créatures de sa grâce, comme vous le savez, Allah est le donateur. Il est le bienfaiteur. C'est lui qui fait don de ses bienfaits à ses serviteurs. D'ailleurs, il donne de ses bienfaits aux pieux de ses serviteurs et même aux pervers. Mais la différence qu'il y a entre le serviteur pieux et le serviteur pervers ou le mécréant, c'est que le serviteur pieux reçoit ses bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala et se montre reconnaissant. Il exprime toute sa gratitude à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que le serviteur pervers et mécréant mécroit à ses bienfaits, c'est-à-dire qu'il se montre ingrat et ne remercie et ne remercie pas Allah subhanahu wa ta'ala, le donateur, le bienfaiteur. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans un verset selon le sens rapproché, et lorsque ton Seigneur a proclamé, si vous vous montrez reconnaissant, je ferai accroître vos bienfaits. Et celui parmi vous qui se montre ingrat, certes mon châtiment est douloureux. Allah tabaraka wa ta'ala nous a montré que les gens devant les bienfaits d'Allah azza wa jal se divisent en deux. Les serviteurs reconnaissants, à qui Allah tabaraka wa ta'ala fait accroître les bienfaits. Et les serviteurs ingrats, ils mécroient aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il convient donc de connaître ce qu'est la réalité de ce qu'on appelle en arabe ash-shukr, traduit par la reconnaissance. Ash-shukr a été défini par l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah comme étant un ensemble de trois choses réunies. La reconnaissance est le fait que le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala apparaisse sur son serviteur dans son cœur premièrement, puis dans sa langue, mais aussi dans ses membres. Dans son cœur, c'est le fait que le serviteur ait la conviction que le bienfaiteur n'est personne d'autre qu'Allah, que tous les bienfaits dont il a joui émanent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est le bienfaiteur, le grand donateur, azza wa jal. Il doit avoir cette croyance dans le cœur et savoir qu'à chaque fois qu'un bienfait lui est donné, ce bienfait ne lui est venu que d'Allah et ne lui est offert que par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, la reconnaissance faite par la langue. Le fait que le serviteur exprime sa gratitude à Allah en louant Allah, en le remerciant subhanahu wa ta'ala et en parlant de ses bienfaits qu'Allah lui a donnés. Tabaraka wa ta'ala. Il fait partie de la reconnaissance envers Allah, la reconnaissance envers autrui, envers le bienfaiteur parmi les gens. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est pas reconnaissant envers Allah celui qui ne l'est pas envers les gens. Lorsque les gens t'offrent un bien, te rendent un service ou te font quelque chose de bon, tu dois te montrer reconnaissant envers eux. Et si tu n'agis pas ainsi, alors tu seras ingrat envers Allah, tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un récit prophétique authentique, « Quand quelqu'un vous fait un bien, rétribuez-le en conséquence. Et si vous ne trouvez pas de quoi le rétribuer, alors invoquez Allah en sa faveur. » Car l'invocation, c'est une bienfaisance en réalité. Et si l'un d'entre nous n'a pas de quoi répondre au bien donné par le bienfaiteur, au minimum, qu'il soit bienfaiteur envers la personne en invoquant Allah pour elle, subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'en disant Jazakallahu khayran, qu'Allah te rétribue en bien, barakallahu fik, puisse Allah te bénir. Également, la reconnaissance doit se voir dans les membres, c'est-à-dire dans les actions, que ce soit des actions faites ou des actions délaissées. Lorsque nous disons des actions faites, il s'agit ici des ordres qui doivent être accomplis, les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les actions délaissées, ce sont les interdits qui doivent être délaissés. C'est une manière de reconnaissance envers Allah, tabaraka wa ta'ala. Dans le sens rapproché du verset, Allah Azza wa Jal ordonne à la famille du prophète Daoud alayhi salam d'œuvrer dans la reconnaissance en leur disant selon le sens rapproché, œuvrez, ô la famille de Daoud, dans la reconnaissance. On retient ici le terme i'malu qui signifie œuvrer, c'est-à-dire la reconnaissance dans les œuvres. La reconnaissance dans les œuvres. Et très peu de gens sont reconnaissants envers Allah. C'est pourquoi dans la fin de ce même verset, il nous dit, selon le sens rapproché, « Et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants. » Ainsi, ce degré est le degré de la reconnaissance. Il a trois piliers qui sont la reconnaissance du cœur, la reconnaissance de la langue et la reconnaissance faite avec les actions. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين